On va parler de tennis. On l'a retrouvé la semaine passée. On avait de la misère à lui parler. On avait fait appel à Paul Rivard, mais là, maintenant, on l'a retrouvé. Salut, Caroline Delisle. Oui, bonjour. Caroline, évidemment, c'était à Roland-Garros c'était la conclusion de Roland-Garros en fin de semaine. Et c'est une victoire de Novak Djokovic, sa 19e victoire en Grand Chelem. Oui, effectivement. Écoutez, Novak, hein, qui a fait deux gros matchs, là. On se rappelle en demi-finale, il a battu Nadal pour un match très difficile aussi en 5-7. Puis après ça, il a battu Tsitsipas en finale, un autre 5-7 alors qu'il perdait 2-7-0. Ben écoutez, hein, c'est un champion. On l'a vu encore hier. 19 titres du Grand Chelem. Il se rapproche drôlement de Nadal et de Federer là, en termes de nombre de titres en tournoi du Grand Chelem. Puis faut pas oublier aussi que bon, lui a fait le tour hein, deux fois de tous les grands chelems. Donc il a gagné deux fois Roland Garros, deux fois US Open, deux fois Wimbledon, deux fois l'Australie. Donc plusieurs fois, je veux dire, mais au moins deux fois là, de pour ces tournois-là. Donc il y a une très belle fiche de route. Puis écoutez, c'est tout en son honneur parce que revenir le 2-7-0. Tsitsipas jouait quand même bien, puis bon, on va dire peut-être qu'il a fait des erreurs qui l'ont coulé un petit peu, puis ça a permis aussi à Djokovic, là, après sa visite au vestiaire, après la deuxième manche, de se ressaisir, puis c'est un gars qui abandonne jamais, puis il est très, très difficile à vaincre, donc, puis, tu sais, il a cru, hein, parce que ben, si tu y crois pas, tu peux pas revenir comme ça, là, revenir 2-7-0, là. Bon, Tsitsipas, moins d'expérience, 22 ans seulement, première finale en tournoi du Grand Chelem, quand même démontrer des belles choses, mais écoutez, hein, ça joue sur le terrain, comme on dit, puis tant mieux pour Djokovic, un autre titre pour lui. Et chez les femmes, ben, c'est Barbara Krejcikova qui a remporté chez les femmes. C'est une inconnue, hein? Oui, ben écoutez, elle est inconnue, peut-être, oui. C'est sûr que chez les femmes, hein, ça bouge un petit peu plus. C'est sûr que, bon, là, faut pas oublier aussi que Barclay s'était retiré, Osaka aussi, pour les raisons qu'on connaît. Serena Williams était éliminée, Andreescu a perdu au premier tour. Bon, ça a comme ouvert le tableau aussi, permettre à d'autres joueuses peut-être de se faufiler. Mais c'est une excellente joueuse, elle était quand même classée 33e au monde. Là, c'est sûr qu'elle va grimper au classement, enceinte, je parle, puis aujourd'hui, elle est numéro 1 au monde en double, parce qu'elle a gagné le double aussi. Hein. C'est quand même très rare là, de gagner les deux, le simple et le double. La dernière fois que ça avait été fait, c'est en l'an 2000, puis c'est Mary Pierce qui avait réussi cet exploit. Fait que c'est vraiment un gros bravo à elle. Puis en 2015, Barbara Krejcikova était venue au Saguenay à notre Challenger Banque Nationale. Oui, en 2015, elle était accompagnée, elle vient de la Tchécoslovaquie, elle était accompagnée là, d'une ancienne numéro 1 mondiale, Yana Novotna, qui est maintenant décédée aujourd'hui, qui est décédée en 2017. Et puis, elle était venue ici à Saguenay avec elle. Il y avait justement eu un bel article dans le journal là, par rapport à ça. Et puis, fait qu'à ce moment-là, elle avait peut-être 18-19 ans, puisqu'elle en a 25 aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'elle a eu un beau parcours. Puis, c'est pour ça aussi qu'elle a dédié sa victoire à Yana Novotna, là, une ancienne bonne joueuse qui était son entraîneur. Décédé, hein? De quoi qu'elle est décédée? Elle avait un cancer des ovaires. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'elle est décédée, à 47 ans. Et monsieur, c'est jeune. Quand même très, très jeune, hein, c'est ça. Puis, c'est mon âge. Oui. Ah ouais, c'est sûr que c'est très jeune, fait que ça fait de la peine. Puis elle tu sais, quand elle a gagné, elle a justement regardé au ciel, hein, puis elle envoyait là, justement là, ses meilleures pensées à son ancien entraîneur, puis qui lui avait dit d'ailleurs justement qu'elle avait le potentiel de gagner un jour le tournoi du Grand Chelem. Puis je pense qu'elle va quand même avoir un bel avenir parce que même en double, écoute, elle est vraiment dominante. Je pense qu'elle a pu remporter plusieurs autres tournois là, du Grand Chelem avec sa partenaire avec qui elle fait déjà très bien sur le circuit. Okay. Fait que c'est quand même un gros plus là. Caroline, je veux te parler d'autres choses. Je veux te parler évidemment de la grosse nouvelle en ce qui nous concerne, nous, au tennis, de la fin de semaine. De la semaine, c'est Bianca Andreescu et Sylvain Bruneau qui se sont séparés d'un commun accord. Ça t'a-tu surpris? Moi, ça m'a surpris. Par contre, j'écoutais au 91.9, il y avait Pierre Rinfin qui avait une belle explication valable. C'est que Bruno va remplacer Louis Borfiga à la tête de Tennis Canada en grande partie. Peut-être qu'il n'y avait pas. C'est pas la raison, mais c'est peut-être ça aussi. Là, il avait peut-être pas le temps de s'occuper de Bianca à temps plein. Écoutez, dans le cas de Sylvain Bruno, c'est une décision un petit peu familiale aussi, il faut dire. Okay. Hein, parce que lui, il a des enfants puis il voulait pas être sur la route à temps plein avec Bianca, ça demande beaucoup, hein, être entraîneur des meilleurs au monde. Les entraîneurs généralement qui entraînent les meilleurs au monde, ils sont toujours avec eux, là, tu sais, ou avec elle. Fait que c'est sûr que là, le fait que Le fait qu'elle a fait plein de tournois un peu partout dans le monde, ben puis lui, ben tu sais, il a quand même une vie de famille, puis il veut pas trop s'éloigner de toujours. Ben là, comme il était pas disponible nécessairement à 100% du temps, ben c'est probablement ça qui a expliqué aussi là, qui ont décidé d'un commun accord justement là, de se séparer. Par contre, ils vont se retrouver là lors de la Coupe Fédération, lors de la, tu sais, là des différents, ouais, les Olympiques, les trucs comme ça. Puis moi, je suis persuadée qu'ils vont garder là, une très belle relation. Mm. Bianca peut-être va, bon, justement, c'est sûr que quand t'as des enfants, hein, faire ça à temps plein, voyager partout, c'est pas évident. Je sais qu'il y a un autre Canadien qui l'accompagne souvent, qui s'appelle Isa Juneau. Lui qui est plus jeune, peut-être, bon, il n'y a pas d'enfant encore. Est-ce que c'est lui qui va prendre la relève de Bianca, de Sylvain Bruno? Ben peut-être, oui, effectivement. Là, en tout cas, c'est lui qu'on a vu là, dernièrement, quelques fois. Elle a quand même changé une couple d'entraîneurs. Là. Son entraîneur physique, là, bon, c'est plus la même, bon, etc. Hein. C'est sûr que là, quand tu gagnes des millions puis t'es rendu dans une top mondiale, des fois, il y a des choses qui changent dans ta vie, dans ta carrière. Fait que c'est un peu ça là, qui est arrivé dans le cas de Bianca. Puis, écoutez, c'est vrai que Sylvain va peut-être avoir d'autres tâches aussi au sein de Tennis Canada par rapport au bon au départ de Louis Borfiga. On le sait, là, ils ont quand même fait certaines annonces. Puis, écoutez, c'est ça. Je pense qu'il est très fier de son parcours avec elle parce que c'est un peu grâce à lui aussi là, qu'elle a pu faire d'aussi belles performances. Puis, c'est un gros plus pour lui dans sa carrière d'entraîneur. OK, OK. Félix Auger-Aliassime a perdu un carrière dans la TP 250. Ben oui, écoutez, hein, la huitième. Ça va commencer à jouer dans sa tête, hein? Ah, ben alors, on ne sait pas. Hein. Écoutez, il a quand même bien joué. C'est sûr que Cilic, hein, ça reflète pas vraiment son classement. C'est un excellent joueur qui sert fort, là, c'est sur le gazon. Je pense que si Félix avait réussi à gagner le premier set qu'il a perdu, là, 7-6, ça aurait peut-être pu changer les choses, là, peut-être lui donner plus de confiance et tout. Mais c'est ça, il s'est incliné en deux manches. Puis c'est sûr, c'est dommage. Hein, on lui souhaite tellement qu'il gagne sa première victoire, tout ça. Mais ça va venir, tu sais, il est encore jeune, il prend encore de l'expérience. Déjà, de se rendre en finale, écoutez, c'est excellent, là. Les gens, c'est sûr qu'on attend plus, tout le temps plus, mais je veux dire, au moins, il est là, puis sa chance, fait qu'à un moment donné, ça va être son tour, ça, c'est certain. J'espère que ça ne jouera pas dans sa tête, en tout cas, fait que ça va être intéressant. Ouais, je pense que, tu sais, ils ont quand même un bon entourage, là, qui sont capables, justement, de les supporter dans ces choses-là, puis il va passer par-dessus ça. C'est un grand champion, quand même, fait qu'il va... persuadé que ça va être son tour très bientôt. OK. Bon, ben Caroline, on s'en reparle à Wimbledon. Moi qui ai une grosse nouvelle dans le monde du tennis. Parfait. Notre amie Caroline Delis.